Dania Inès de Castro. Votre Altesse. Vous croyez que je suis venue voir le prince? Pas du tout. C'est vous que je cherche. Vous avez vu le roi hier? Oui, princesse. Quelle impression vous a-t-il faite? Eh bien, je vais vous le dire. La chaîne de vos médailles a appuyé sur votre cou et l'a marquée d'une raie rouge. C'est la place où vous serez décapité. Dieu! Les princes mettent des lions sur leurs armoiries, sur leurs oriflammes. Et puis un jour, ils en trouvent un dans leur cœur. Vous avez vu son visage vert? On dirait quelqu'un qui a oublié de se faire enterrer. Et avec cela, les yeux lourds des lions. Le roi souffre de bientôt mourir. Or, c'est à la fin du combat de taureau que le taureau est le plus méchant. Je ne dis pas que le roi ait la volonté nette de vous faire tuer, non. Il est comme sont les hommes, faible, divers et sachant mal ce qu'il veut. Mais une pensée dangereuse comme une lame a été glissée dans son esprit. Et il ne l'a pas repoussée aussi vivement qu'il eût dû. Comment le savez-vous? Un des pages a parlé. Un des pages? Quelqu'un à moi s'est occupé des pages qui étaient hier à la porte du conseil. Ou plutôt d'une petite réunion tenue entre le roi, Alvar Gonsalves et Gasquelo. Deux des pages ne savaient rien ou n'ont rien voulu dire. Le troisième, le plus jeune, avait écouté. Et bien écouté. Le plus jeune? Celui qui est si beau? Un jeune démon est toujours beau. Il a parlé, mais par étourderie, n'est-ce pas? Non, par passion. Oh, quelle horreur! Vous voulez dire chance bénie? Donc, Gasquelo et Alvar Gonsalves ont demandé votre mort. Le roi aurait pu couper court d'un non énergique. Mais ils ont discuté, interminablement, comme des avocats, dit le page. À la fin, le roi a dit, j'y réfléchirai. Puis il est resté seul avec Gasquelo, mais le page était parti vous chercher. J'y réfléchirai, ce n'est pas un arrêt de mort. Le roi, dans toute cette affaire, m'a traité avec tant d'ouverture. Mon père dit du roi Ferrand qu'il joue avec sa perfidie comme un bébé joue avec son pied. Enfin, j'y réfléchirai, il a peut-être voulu se donner du champ. Dania Inès, je connais le monde et ses voix. Ah oui, vous les connaissez. Pensez qu'en 3 jours, vous, une étrangère et si jeune, vous apprenez de tels secrets. J'aurais pu vivre des années au palais sans savoir ce qu'on y disait de moi. J'ai été élevée pour le règne. Et Don Pedro, le roi a-t-il parlé de lui? Selon le page, Ferrand n'a pas parlé de son fils. Et maintenant, Dania Inès, je vous dis, je repars demain, profitant de ce que les vents sont favorables. Regardez, un nuage en forme d'aile, il vole vers la Navarre. Et des nuages moutonnants, il pèse vers ma Navarre, toujours mouvante de troupeaux. Oui, demain, à cette heure, si Dieu veut, je fendrai la mer ténébreuse. Avec quelle véhémence les flots se rebelleront devant mon étrave, et puis s'abaisseront, étonnés, comme s'ils savaient qui je suis. Ma Navarre, je désire tant la retrouver que j'appréhende presque ce que j'y retrouverai. Eh bien, je vous propose de venir avec moi. Vous ferez partie de ma maison. Vous ne serez pas en sûreté tant que vous serez au Portugal. Mais dès l'instant où je vous prends sous mon manteau, le roi n'osera pas vous toucher. M'offenser une seconde fois, jamais. Seulement, il faut vous décider tout de suite et laisser en état votre monde d'ego. Je sais. Les gens préfèrent mourir à quitter leurs affaires ou à se donner la peine de les mettre en ordre promptement. Mais il faut voir ce qui importe pour vous, si c'est le monde d'aigle ou si c'est l'être vivante. Suivez-moi donc en Navarre et attendez. Ou le roi mourra et vous reviendrez, régnerez. Ou le roi fera périr son fils. Oh, oh. Pardonnez-moi. Oh, mais qui peut vous faire croire? Je ne crois pas que Ferrand y songe aujourd'hui. Mais aujourd'hui et demain ne sont pas fils de la même mère. Et moins que jamais sous le coup du roi. Il est naturellement incertain. Et son art est de faire passer son incertitude pour politique. Il noie le poisson par hésitation et inconsistance. Mais il arrive à déguiser cette noyade en calcul profond. Il affirme les deux choses contraires. À la fois spontanément, parce qu'il est irrésolu, et systématiquement, afin de brouiller les traces. Il mélange avec danger des éléments inconciliables. Nul ne sait ainsi ce qu'il pense. Mais c'est parce qu'il n'a pas de pensée précise, hormis quelquefois sur son intérêt immédiat. Combien de temps croira-t-il de son intérêt immédiat d'épargner Don Pedro et vous? Je suis bouleversée. Mais du moins, sachez ma gratitude, que ce soit vous. Il y a deux gloires, Dania Inès. La gloire divine, qui est que Dieu soit content de vous, et la gloire humaine qui est d'être content de soi. En vous sauvant, je conquiers ces deux gloires, et notamment la seconde, car la nature m'ordonnerait plutôt de vous haïr. Mais je fais peu de cas de la nature. Certes, madame, car à votre place... Vous oubliez, Doña Inès, personne ne peut se mettre à ma place. Pardonnez-moi, infante. Il est vrai, votre rang... Où je suis, il n'y a pas de rang. Doña Inès, je vous tiens quitte de vos honnêtetés. Vous n'y êtes pas heureuse. Mais quoi, vous êtes charmante ainsi. Allons, Inès. Dites-moi que vous m'accompagnez en Navarre. Non, princesse. Je ne puis. Pourquoi ? Quand l'oiseau de race est capturé, il ne se débat pas. Vous parliez d'un nuage en forme d'aile. Si j'avais une aile, ce ne serait pas pour fuir, mais pour protéger. Je sais. Te laisse payer cher d'être noble. Mais vous n'êtes pas capturé. Vous n'avez peut-être qu'une nuit devant vous, du moins vous l'avez. Non, non, je ne peux plus être autre part qu'à côté de lui. N'importe quelle condition, même la plus misérable, pourvu que je ne le quitte pas. Et s'il le faut, mourir avec lui. Ou pour lui. Il n'y a pas d'être qui vaille qu'on meure pour lui. Un homme qu'on aime. Je ne suis pas encore parvenue à comprendre comment on peut aimer un homme. Ceux que j'ai approchés, je les ai vus presque tous grossiers. Et tous lâches. Lâcheté. C'est un mot qui m'évoque irrésistiblement les hommes. N'avez-vous donc jamais aimé, infant ? Jamais, par la grâce de Dieu. Mais sans doute, avez-vous été aimé ? Si un homme s'était donné le ridicule de m'aimer, j'y aurais prêté si peu d'attention que je n'en aurais nul souvenir. Vous entendez les passereaux ? Ils chantent mes louanges. Oh, ne me croyez pas orgueilleuse. Je n'ai pas d'orgueil, pas une once. Mais il n'est pas nécessaire pour aimer les louanges de s'en croire digne. Allons, Inès. Tenez. Je vous tends votre vie. Le souffle des rois est brûlant, il vous consumera. Il consume ce qui de toute façon sera consumé. Je n'ai pas été faite pour lutter. Mais pour aimer. Toute petite, quand la forme de mes seins n'était pas encore visible, j'étais déjà pleine d'amour pour mes poupées. Il y en avait toujours une que j'appelais l'amant, et l'autre, la bien-aimée. Et déjà, si l'on m'avait ouvert la poitrine, il en aurait coulé de l'amour, comme cette sorte de lait qui coule de certaines plantes quand on en brise la tige. Aimer. Mais je ne sais rien faire d'autre. Voyez cette cascade, elle ne lutte pas, elle suit sa pente. Il faut laisser tomber les eaux. Mais la cascade ne tombe pas, elle se précipite. Elle fait aussi marcher les moulins. L'eau est dirigée dans les canaux, la rame là-bas, la proue la coupe. Partout, je la vois violentée. Oh, comme vous êtes molle. C'est quand le fruit est un peu molle qu'il reçoit bien jusqu'à son cœur tous les rayons de la création. Non, je vous en prie, ne faites pas devant moi l'éloge de la mollesse, vous me blessez personnellement. Venez plutôt à Pamplune. Pamplune est comme la cour intérieure d'une citadelle. Encaissé entre de hautes montagnes. Et il y a mon âme alentour, qui va de hauteur en hauteur, qui veille et qui ne permet pas. La main du roi ne pourra vous atteindre par-dessus ces montagnes. Venez à Pamplune. Même si ma cour est pour vous sans attrait, la sensation d'être en sécurité donnerait du charme à n'importe quel lieu. Et vous retrouverez votre âme avec votre sécurité. C'est lui qui est mon âme. Vous êtes molle et en même temps trop courageuse. Ah, ne me dites pas que j'ai du courage. Je le perdrai dans l'instant. À la naissance de vos seins. Dans le duvet entre vos seins, de vos cils est tombé. Il est là comme la plume d'une hirondelle qui a été blessée dans son vol. Il bouge un peu, on le dirait vivant. L'hirondelle est blessée, Doña Inès. Combien de temps volera-t-elle encore si elle ne trouve abri ? Un jour, elle n'annoncera plus le printemps. Un jour, il n'y aura plus de printemps pour elle sur la terre. Mais laissez-moi croire que je puis trouver encore les mots pour vous convaincre. Pensez que vous aurez passé à côté de moi. Et moi, être l'infante de Navarre et échouer à convaincre. Et échouer à convaincre l'être auquel on veut tant de bien. Mais comment le bien que l'on veut à un être ne resplendit-il pas sur votre visage? Et ne passe-t-il pas dans le son de votre voix tellement qu'il soit impossible de s'y méprendre? Et non, au contraire. C'est peut-être mon visage qui vous effraie. Peut-être les visages nouveaux vous effraient-ils ? Ou peut-être est-ce parce qu'il est en sueur ? Ou peut-être en ai-je trop dit ? Quand on veut convaincre et que l'on a dépassé le point où c'était encore possible, tout ce qu'on dit de surcroît ne fait que vous rendre suspect et endurcir l'être qu'on veut convaincre. Vous devez penser, pourquoi y a-t-il tant ? N'y aurait-il pas un piège ? Oh, porte! Porte! Quel mot pour t'ouvrir! Je m'arrête car ma bouche est desséchée. Oui, n'est-ce pas, vous regardez l'écume au coin de ma bouche? Cela vient de ma bouche desséchée et de l'ardeur de cette route qui était pâle comme un lion. Tout mon intérieur est desséché comme si l'on m'avait enfoncé dans la gorge jusqu'à la gare de l'épée de feu de l'ange nocturne. Vous savez, quand les voix de la muraille s'écrièrent à nouveau « Sennachérib !» Oh, la chose insensée qu'un désir violent ne suffise pas à faire tomber ce qu'on désire. Une dernière fois, Inès, venez-vous avec moi. Princesse, ne m'en veuillez pas. Je ne puis. Eh bien, soit! Vous avez laissé passer le moment que je vous aimais, maintenant vous m'irritez. Pourquoi votre vie m'importerait-elle alors qu'elle ne vous importe pas? Moi, madame, je vous irrite? Vous me décevez. Allez donc mourir, Dania Inès. Allez vite mourir et le plus vite possible désormais. Que votre visage n'ait pas le temps de s'imprimer en moi, qu'il s'efface et que je puisse l'oublier. Effacer comme les taches de sang sur les dalles qu'on efface avec de l'eau. J'aurais voulu que tout mon séjour au Portugal s'évanouit comme un mauvais rêve. Mais cela n'est plus possible à cause de vous. C'est vous seul qui empoisonnez le doux miel de mon oubli, comme il est dit de la mouche dans le parfum au livre de nos saintes écritures. Partez, Dona Inès. Dieu vous reste. Est-ce que ce n'est pas beau que, quoi qu'il arrive, et même si on a péché, on puisse toujours se dire « Dieu me reste ». Regardez vers le ciel où est celui qui vous protégera. Dieu me protégera si j'en suis digne. Mais pourquoi regarder le ciel? Regarder le ciel me ramène toujours vers la terre, car les choses divines que je connais, c'est sur la terre que je les ai vécues. Alors, ma chère, si vous ne voulez pas regarder le ciel, tournez-vous d'un coup vers l'enfer. Essayez d'acquérir le page qui est d'enfer et d'apprendre par lui les intentions du roi. Il s'appelle Dino del Moro. Il est andalou. Les Andalous ne sont pas sûrs, il trahira tout ce qu'on voudra. Je crois que je n'aurai jamais le cœur de pousser un enfant à trahir. Même si votre vie et la vie de Don Pedro sont en jeu. Pedro? Mais quand même, un enfant. Un enfant pareil à ce que pourrait être un jour un fils à moi. Eh bien, soyez donc sublime, Dona Inès, puisque c'est cela décidément qui vous tente. Sublime en ne partant pas. Sublime en ne poussant pas à trahir. Soyez sublime tout votre sou et mourez-y. Adieu. Gardez-le, Inès. Chez nous, une princesse de sang royal ne peut rien accepter qui ne lui ait été tendu par quelqu'un de sa maison. Ce bracelet qui joint si mal vous restera comme un symbole de ce qui ne s'est pas joint entre nous. Si c'est un symbole, il y a des choses tellement plus pures que le diamant. C'est vrai. Embrassez-moi. Dieu vous garde. Il faut laisser tomber les autres.